La zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le bilan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On rencontrera un autre improvisateur car ce sera le retour du segment dans les coulisses de la Luitre. Laurent Constantin sera aussi de retour de son congé pour faire un voyage au centre du campus et Maxime Tanguay, j'ai du temps pour une chronique. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 21 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Est-ce que t'as passé une belle fin de semaine? Oui! Oui! Malgré la pluie. Que le temps est ennuyant! Que c'est ennuyant. Ah, mais on va passer au travers ensemble. Là. C'est pour ça qu'on est là, pour vous remettre de bonne humeur le matin. Pour vous remettre sur le piton. Et voilà, peu importe le bouton que vous choisissez, tout sauf le snooze. Oui! Les radios qui appellent leur émission du matin le snooze sont tellement originales, je trouve. Oui! Ben oui, vraiment. Faut préciser qu'on est le matin dans le titre de l'émission aussi. Ben oui, évidemment. Sinon, comment comprendre qu'on est le matin? À la noirceur qu'il fait. C'est ça. Ça peut être mêlant, je peux comprendre. Ça peut être tard la nuit. Ça peut être tard la nuit. Ça peut être en plein milieu d'une éclipse lunaire. On sait pas. C'est la fin du monde. Peut-être. On sait pas. Donc aujourd'hui à l'émission, Jean-Philippe, on va avoir notre ami Laurent Constantin qui va être là à 8h30. Oui. Pour sa chronique Voyage au centre du campus. Il va nous faire deux chroniques aujourd'hui. Oh! Pour rattraper le temps de la relâche. Le temps. On a aussi Maxime Tanguay qui va être là à 9h pour J'ai-tu le temps pour une chronique et de la musique pour étudier. Mm-hmm. Et on vient de la semaine de relâche, donc pour commencer, il faut se remettre sur le cheval. Là, oui, à cheval à donner, n'arrête pas les études. Une pièce à ses reins de goût. Oui. Oui. La Luitre va être là à 8h pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. Donc, on va recevoir un des joueurs d'une des équipes qui vont jouer probablement ce soir un match à 19h30 à la Chasse-Galerie. Oui. Et sinon, on devrait avoir des invités spéciaux aussi vers les 8h45. On va parler avec des gens du Bac Vert. C'est la semaine de recyclage, déchets et autres. Oui, on va sûrement en parler. Et savoir le nom de la semaine aussi. Oui, puis parler aussi de tout ce qui traîne dans le corridor. Ah oui, eh bien, on est arrivé ce matin, il y avait eu, je crois, une tornade provenant des États-Unis dans le corridor du Nérébeauchemin. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a du déchet, là. Ouais. Et puis on va avoir la chronique maison, c'est un fait, dans quelques instants. Mais pour l'instant, là, en ce moment, on s'en va entendre, il a dit ça. D'accord. Voici Tennessee, parce que les États-Unis, tornade. Pourtant, je suis le noir et le blanc.

Parce que je suis juste pas sûr du numéro. Et je t'apporte là. Ça devrait être celle-là. C'est on va voir ça. Ben ça. C'est ça. You got high off my devotion. We caught as your crutch. Like some sick love potion. I was addicted to your touch. Think of you de Miss Mister. Au retour, c'est la chronique de la huître dans les coulisses de la huître. Assemblage requis, ça? Oui. Coulisses. Oui. Lance une huître sur le mur. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. La radio, autrement, 89.1. C'est vous. Comment? Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc, c'est toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est 8h01. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on l'a dit tantôt, la chronique dans les coulisses de la huître s'en vient. Oui. Ils sont vraiment pas longs. Vraiment? Vraiment pas longs. Je dirais l'équivalent de... Ben, c'est quand même long, ça, 4 minutes, mais bon. Ah! On sait pas que c'est long de même. C'est ça. Des fois, tu peux avoir des surprises. Ben, je pense que oui. Donc, on s'en va entendre la pièce Close to Me de The Darcy's tout de suite sur C'est fou. 89 FM. Thank you.

Wow. Donc voilà pour ça. Pour l'instant, avant de passer à la chronique de Laurent Constantin, il s'en vient tantôt nous présenter deux chroniques, pas une, mais deux. Donc ça va être assez spécial. On se quitte avec une pièce. Excuse-moi, je l'oublie à chaque fois. Une pièce que Frédéric nous a choisie pour la chronique de la Luitre. Est-ce que tu veux la présenter pour nous? Ben, j'ai en fait cette pièce-là. Expliquer pourquoi je l'ai pris. En fait, c'est vraiment le côté fou puis le côté absurde de la chose. J'adore vraiment l'absurde puis l'abstrait. Puis j'ai vu la vidéo. Je suis un fan de vidéo quand je regarde des musiques. Puis cette musique-là, vraiment une vidéo là. Que j'adore. Est-ce qu'on s'en va entendre? C'est Damien Robitaille. Voici la pièce Omniprésent. C'est fou. Je ne suis pas Mathieu Plante, je suis Damien Robitaille avec Omniprésent. Je sais pas, je la trouvais bonne. Oui, et bonne. Non, pour être bonne, et bonne. Ah, merci. Bon, donc toujours Assemblage Requis, quoi, 8h19. Et maintenant, c'est le moment de recevoir notre ami Laurent Constantin, qu'on n'a pas revu depuis, quoi, 3 semaines, je crois, environ. Oui, j'ai raté 2 lundis, lundi d'Action de grâce. Oui, ben oui, c'est vrai. Ça, c'était parce qu'il n'y a pas d'émission, c'est ça, oui. Et lundi de la semaine de travaux et de lecture. C'est bien normal. Ah, le premier qui le dit comme il faut. Hey, je me suis forcé. Ben, c'est un gars d'enquête, un gars d'action. Hein. Ah. C'est voici Voyage au centre du campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Till you J'ai déçu tous nos auditeurs qui nous écoutent en version vidéo. J'ai mis l'intro de la saison 2 du Loup-Garou du Campus. Oh, c'est celle où il n'y a pas Rachel Lefebvre. Oh non! Ah, non! Si t'as pas, Rachel Lefebvre dans ton intro, c'est pas bon. On peut-tu écouter l'intro de Twilight dans ce cas-ci? Tu nous perds, là. Ouais. Alors, cette semaine, oui? Une chronique double, plus que j'ai manqué sûrement aux auditeurs. Ouais, ben plutôt, non. Je me suis ennuyé de vous, plutôt. Oh, ennuyé de toi-même. Oui, je me suis ennuyé de moi-même. C'est ça, la s'ennuyer de moi. J'ai pris l'initiative de faire une chronique double, donc d'essayer de me rattraper. C'est comme une deuxième portion de patate à cafétéria. Ben, c'est un peu comme les restes de l'action de grâce. Ah, oui, la dinde et la sauce. Hein, ben oui, tu peux en prendre d'autres, donc c'est une portion double. La corne de jouvence. Là, oui, c'est ça. L'abondance. La corne d'abondance. Ouais, c'est ça. Ceci est mon corps, ceci est mon âme. Donc, pour la première portion de Voyage au centre du campus, je vais vous présenter une chronique. En plus, ce qui est parfait, c'est que c'est une chronique que j'avais déjà prévue, première partie, deuxième partie. Donc, la thématique est un automne chaud en débat. Mm-hmm. Et le titre de la chronique, le vent dans les voiles. Incroyable. Alors, comme mon mandat est de commenter l'actualité du campus à ses différents niveaux, j'ai d'abord cru que je n'aurais pas à écrire à propos de la Charte des valeurs québécoises. Le débat aura pris du temps à arriver, mais la conférence de presse pour l'inauguration du pavillon à la vie étudiante fut le moment où la rectrice s'est fait demander quelle était la position de l'UQTR vis-à-vis la Charte. Contrairement à l'Université McGill, qui s'est rapidement positionnée contre sans réelle consultation, la rectrice a répondu de façon très diplomate. Il y aura un forum de discussion d'organiser sur le sujet, voire même un mini-colloque. Serait-ce un simple exercice de relations publiques? Ce ne serait pas la première fois pour Mme Gazali. Gagez qu'elle va réserver les gymnases du CAPS pour cette consultation et que moins de 100 personnes s'y présenteront. Deux semaines plus tard, lors de l'Assemblée générale annuelle de l'AGE-UQTR, le sujet est amené à l'ordre du jour, prenant de court les participants. C'est à ce moment que l'Assemblée observa une minute de soupir. Le point fut finalement débattu en dernier et, alors que le quorum vint à manquer, on l'a mis en dépôt jusqu'à une prochaine Assemblée cet hiver. L'intention de débattre de ce sujet était bonne, surtout que le ministre Drainville attendait les commentaires des Québécois sur sa charte jusqu'au 1er octobre à minuit. Toutefois, nul ne semblait d'attaque pour aborder de front la question. Voici donc comment la Charte des valeurs québécoises s'est introduite dans l'actualité du campus. Qu'est-ce qui cloche exactement dans cette charte pour en débattre autant? La rectrice elle-même a dit que certains aspects de la loi sont acceptés par tous, mais que certains autres posent problème. Alors, quels sont ces fameux éléments qui semblent poser problème? Vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce qu'il y a eu des demandes d'accommodement raisonnable à l'UQTR? Dur à dire. Bien que certains professeurs se sont prêtés à l'exercice, l'université n'a officiellement remis aucun mémoire à la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Commission Bouchard-Taylor, tenue en 2007. Dommage. Il n'y aurait donc pas de crise. Pour faire un parallèle en économie, il n'est pas nécessaire d'attendre la récession avant d'intervenir. Signe religieux ostentatoire. La Charte des valeurs québécoises prescrit l'interdiction de tout signe religieux ostentatoire pour les employés de l'État. Sincèrement, est-ce que cette mesure affecte quiconque à l'université? Connaissez-vous un professeur, chargé de cours, caissière chez Sodexo, videur à la chasse-galerie ou tout autre employé à l'université qui porte une trop grosse croix au cou, une kippa, un turban ou un hijab? Si jamais vous en connaissez, présentez-les-moi. Il s'agit probablement de minorités invisibles. Ici, il n'y aura pas trop de conséquences. Mais en pensant aux communautés culturelles à Montréal qui peinent à s'intégrer, on s'aperçoit que la réalité là-bas est bien différente. Ce n'est pas les immigrants qu'il faut montrer du doigt, mais bien les politiques d'immigration. Le Québec n'est peut-être pas en mesure d'accueillir 50 000 immigrants par année. Ou devrais-je dire, Montréal n'est pas en mesure d'accueillir 50 000 immigrants par année. Un devoir de réserve. Il va de soi que si l'État québécois est laïque, ses employés doivent l'être aussi dans l'apparence et dans l'agissement. Une institution publique n'est pas une coquille vide. Ce sont les gens qui y œuvrent qui la modèlent. Un tribunal laïque l'est-il toujours si les juges de chaque procureur de la couronne s'affichent de signes religieux et prêchent pour leurs confessions respectives? un peu difficile à croire. C'est pourquoi le devoir de réserve, s'appliquant déjà aux convictions politiques, doit s'appliquer aux convictions religieuses. Le lieu de travail n'est pas un lieu de culte ni un parlement. Droit de retrait. Si jamais le projet de loi du Parti québécois est adopté tel quel, l'UQTR pourrait suivre le pas de l'Université McGill et de l'Université de Montréal et se prévaloir de son droit de retrait. Ce droit de retrait permettrait aux institutions le désirant de se soustraire de la charte. J'y vois ici bien plus de discrimination que dans l'interdiction des signes religieux ostentatoires pour les employés de l'État. Une loi, c'est pour tout le monde, riche ou pauvre, jeune ou vieux, religieux ou athée. Montréal serait multiculturel et Québec laïque, c'est ridicule. Certains ne veulent pas de système de santé à deux vitesses. Moi, je ne veux pas de laïcité à deux vitesses. Finalement, pour les profanes dont le crucifix à l'Assemblée nationale irrite profondément, patience, il sera un jour retiré. Oui, c'est Maurice Duplessis qui l'a placé là, en symbole de l'alliance entre l'Église et l'État. Depuis plus de 50 ans, il est sous terre. Cependant, enterrer vivante une génération entière pour qui cela fait encore du sens, relèverait de l'eugénisme. Le patrimoine vivant, j'y crois. Ah, c'est un sujet évidemment assez compliqué et assez dur à aborder même ou à réagir pour moi en tout cas, parce que c'est tellement facile de se planter quand tu connais pas assez bien le sujet. T'sais. Ben c'est beaucoup de nuances, oui. Et dans chacune de ces nuances là, il y a beaucoup de gens radicaux, oui. D'une part comme de l'autre. C'est ça. Tu sais, on va souvent dire, ah ouais, y a souvent de préjugés envers les musulmans. Eh bien, il y a des musulmans aussi qui sont racistes, mais il y a des Québécois, si on peut dire, de souche aussi qui sont racistes. Mmh. Donc de chaque côté, il y a de l'exagération. Et d'une part de l'autre aussi, on n'écoute pas tout le temps l'autre qui débat. Et donc, arriver à un consensus, c'est quelque chose de compliqué. On l'a vu tout simplement en fin de semaine. Il y a eu la manifestation des Jeannettes qui a recueilli, oui, à peu près 20 000 personnes, à peu près 15 000, 20 000 personnes qui ont marché à Montréal. Et le lendemain, il y a encore eu une manifestation contre la charte. Donc, différentes marches, manifestations, oui, justement, pour manifester son accord ou son désaccord envers... Et comme tu l'as dit en début de chronique, ce que Nadia Gazali pourrait faire, c'est une réunion genre où il y aurait personne qui viendrait genre pour en parler. Oui, je sais pas si ça a déjà été abordé aux ondes campus l'an dernier. Il y a eu un problème au niveau de l'administration de l'UQTR, là, une crise au rectorat, que les vice-recteurs n'étaient pas en accord avec la rectrice, ces choses-là. Et là, il y avait eu une enquête à savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le conseil d'administration exactement, et le rapport avait été publié de façon publique. Il y avait loué le CAPS pour présenter ça à toute la communauté étudiante. Tout le monde avait été invité, les journalistes, les étudiants, les employés, et presque personne s'était déplacé. Donc c'était un gros gymnase vide pour de déclaration. Oui. Pour savoir qu'est-ce qui marchait pas finalement. Ouais, donc c'est un peu ça mon inquiétude, s'il va vraiment avoir un gros événement de créer, que peu de personnes vont se présenter pour débattre de la chose. Ouais. Et on a parlé aussi d'accommodement raisonnable à l'UQTR. C'est sûr qu'on n'en voit pas vraiment beaucoup tant que ça, des choses qui sortent un peu des sentiers communs, oui, de l'étudiant typique. Mm-hmm. Je ne sais pas comment le dire autrement que ça. Oui. Quelque chose de différent de nous autres, finalement. C'est rare qu'on en voit. Et je ne sais pas si les empêcher de vivre est une si bonne, il me semble, idée. Oui, mais c'est vrai. Tu as raison. Il n'y en a pas beaucoup. Et il ne faut pas les empêcher de vivre en tant qu'étudiant. Ouais. En ce moment, le projet de charte ne porte pas sur les étudiants, mais plutôt sur les employés. Sur les employés de l'État. Et en même temps, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que... être professeur à l'université et directement être un employé de l'État, parce qu'il y a un caractère un peu semi-public, voire privé dans les, okay, universités, du fait que oui, c'est l'Université du Québec, mais on a toujours dit, ben, ce qui est public, c'est ce qui est gratuit d'une certaine façon. Donc, ouais, en tant employé de l'État, ce serait peut-être jusqu'au cégep. Et aussi, oui, on envoie des fois des personnes un peu voilées ou des personnes avec d'autres signes ostentatoires, si on peut dire, à l'université. Mais, des hosts. Comment on les appelle? Des hosts. Mais... Moi, dorénavant, c'est ce que je veux dire. Oui. T'as un signe host. Ah, ça, c'est host. Mais... À l'UQTR, il y a une distinction qui est difficile aussi à aborder, à se rendre compte. Est-ce que ce sont des Québécois ou des fois, il y a aussi ce sont peut-être simplement des étudiants étrangers qui sont simplement ici pour un an. C'est ça, temporairement. Ici un an pour étudier. Puis finalement, bon, c'est encore moins approprié de leur demander de, ouais, de tout changer pour... Oui, c'est ça. Donc, ce serait juste du bord. Ben, ouais. On a un des super bons systèmes d'éducation au monde, mais... Mais... pas pour toi! Non, c'est ça. Puis c'est ça, il y a aussi des étudiants étrangers qui vont venir travailler sur le campus. Donc ouais. ça devient des employés, mais sont aussi étudiants, mais sont aussi étrangers. Mais... Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, on pourrait revenir à la conception de départ d'une université qui est vraiment une forme de micro-société... C'était distinct, là. On le voit beaucoup dans l'Europe médiévale, la Renaissance aussi, qui est vraiment la ville, l'État et l'université qui est vraiment séparée du restant de... Ouais. Ouais. Avec... moi, j'ai une petite blague. Oui. Oh, parce que okay. Là, il y a des manifestations. Mm-hmm. L'année passée, c'était le printemps érable. Ouais. Là, c'est l'hiver. Tu penses que ça va être l'hiver sapin? L'hiver sapin? Printemps érable. Ça va être piquant? Non, mais c'est parce que c'est le printemps érable. Oui. Hiver sapin. Oui. Fun qu'il y ait un bruiteur dans votre studio avec des petites cloches. Oui. Des grelots. Oh, sapin. Ah, ben, tu sais, on n'est pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Non, je sais pas. Ça arrive pas. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on a ce matin? On a une deuxième chronique de ta part dans quelques minutes. Oui. Pour l'instant, on prend une petite pause, ça te tente? C'est parfait. On revient juste après à Assemblage Rock. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui, toujours le lundi 28 octobre, il est 8h34 environ. Et on revient à notre ami Laurent Constantin. Rebonjour. Rebonjour. Qui nous a fait une petite chronique tantôt sur l'automne qui est chaud en débat, première partie. Donc, on va enchaîner avec la deuxième partie à l'instant. Voilà. Donc, deuxième partie, chaud en débat. Et là, tantôt, on a parlé d'accommodement raisonnable et de choses comme ça. Et de quoi parle ta deuxième partie? Alors, le premier débat, comme tu dis, portait sur la Charte des valeurs québécoises. Et le deuxième débat, cet automne, porterait plutôt sur les élections municipales. Donc, la chronique, le nom de la chronique, l'étudiant citadin aux urnes. Alors, c'est le 3 novembre qu'achèvent les campagnes électorales municipales partout au Québec. À Trois-Rivières, on annonce un nombre record de candidatures. Pour ce qui est du débat, qui a eu lieu le 9 octobre dernier à la Chasse-Galerie, il y a eu 5 candidats présents, sur autant de candidats se souciant des étudiants. Il y a 6 étudiants à la mairie, je le sais très bien. Le maire sortant, M. Yves Lévesque, est absent. Je ne peux pas dire qu'il ne s'intéresse pas aux étudiants. Il était présent à la première pelletée de terre du pavé, en tant que donateur. Ça, c'est le pavillon de la vie étudiante. Le pavillon de la vie étudiante, oui, pour être plus précis. Mais bon, ce n'est pas son argent personnel. Par contre, s'il veut continuer à en avoir de l'argent personnel, il doit aller à la rencontre de ses électeurs. En résumé, il était peut-être en visite dans une résidence pour personnes âgées. Peu importe, il brillait par son absence au débat. S'il ajoute... fut bien sympathique, il est tout de même dommage que plus d'étudiants se soient déplacés pour y assister. C'est comme ça tout le temps. Étiez-vous déjà tous bien informés en vue des élections municipales? J'en doute. En fait, il y avait beaucoup de gens présents, mais très peu d'étudiants. Les étudiants représentaient peut-être le quart des gens présents. Qui étaient les autres? Des employés de l'UQTR, la clientèle régulière de la Chasse-Galerie, et l'équipe entière de Force 3R venue en renfort pour chaudement applaudir leur chef. S'il est triste de constater que si peu d'étudiants soient venus entendre ce que les candidats avaient à nous annoncer, il est tout de même vrai que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont des électeurs de Trois-Rivières. Voici donc un aperçu des différents candidats de votre ville hôte. Les prétendants. Alors, dans l'ordre, vous avez une Sylvie Tardif, native de Trois-Rivières, conseillère depuis 10 ans, débordante d'initiatives réalistes et de créativité. Elle se targue d'être la seule candidate à avoir déjà créé plusieurs emplois et promet la création de 3100 emplois durant son mandat. Elle s'inquiète de la dette pour les jeunes et propose l'instauration d'une politique jeunesse faite pour eux, par eux. De plus, elle veut continuer à valoriser Trois-Rivières comme une ville d'histoire et de culture, et pas seulement l'été. Elle maîtrise très bien ses dossiers. Une Marcel Girard honnête, pragmatique et qui a beaucoup d'expérience en gestion, mais qui n'a pas été des plus courtoises envers les jeunes. Selon elle, on ne peut pas demander aux élus ce qu'ils vont faire pour nous si on n'a pas envie de faire quelque chose pour la communauté. Pardonnez-nous, madame. Toutefois, elle aimerait que les jeunes aient la chance d'imaginer la ville dont ils rêvent. Comment contrer le chômage? Le vieillissement de la population apportera beaucoup d'emplois en santé. Un Richard Saint-Germain, seul candidat avec une équipe, Force 3R, bon politicien et comptable, qui sait retourner les questions à son interlocuteur. On dirait que le travail de terrain n'a pas été fait avant la campagne électorale. Il est celui qui souhaite incarner le changement. Il précise que son équipe et lui sont vierges en politique, et c'est ce qui fait d'eux les meilleurs messagers. Un Pierre-Benoît Fortin, ancien gestionnaire de conflits et entrepreneur de construction, impliqué sur tout plein de comités, mais sans réelle crédibilité dans ses déclarations, tant ses déclarations sont loufoques. Il a peu d'idées pour retenir les jeunes à Trois-Rivières, mais plusieurs bourses d'études à distribuer. La dette l'inquiète et la création de comités de jeunes et d'aînés est primordiale. Observons ces affiches au centre-ville souhaitant la disparition des parcomètres. Qui vient d'être installé. Oui. Finalement, une Catherine Dufresne, ex-nageuse pour les Patriotes, la plus jeune des candidats et sûrement la plus idéaliste aussi. Elle veut faire de Trois-Rivières une vraie pépinière APME avec une culture entrepreneuriale, en aidant financièrement les jeunes avec leurs différents projets. Peut-être l'avez-vous entendu parler de son monorail? C'est un de ses plus grands souhaits pour la ville. Elle souhaite voir disparaître du béton au centre-ville et ailleurs pour faire place à davantage de verdure. En gros, ce qui ressort de ce débat pour les étudiants, c'est que la plupart des candidats sont ouverts au développement d'une ville propre aux étudiants, mais aucune proposition ne semble vraiment claire en ce sens, sinon la valorisation des diplômés. À noter que s'il n'a pratiquement pas été question de transport en commun dans cette chronique, c'est qu'un article complet y sera consacré. Donc, que vous soyez résident de Trois-Rivières ou non, le 3 novembre, allez voter. C'est important. Le scrutin, c'est une autre façon de manifester nos goûts. Vrai, vrai. Est-ce qu'on recommence depuis le début pour les questions qu'on a à te poser? T'as là-dessus, toi? Non, vas-y. Non, okay. Pour commencer, t'as parlé des étudiants qui se déplaçaient pas pour les débats. Bon, ça, c'est typiquement comme ça depuis toujours et ça changera jamais. Donc, oui, on se souvient des tribunes libres où on fait venir un politicien. En tant que gros nom, une grosse personne, on a déjà fait venir Denis Coderre ici à la Chaise-Galerie. Puis, quand même certaines personnes qui s'étaient déplacées, mais... Des fois, c'est quand même dommage de faire venir justement quelqu'un de quand même connu et qu'il n'y avait pas tant de gens qui se déplacent ou même faire venir le député du NPD de Trois-Rivières même, donc notre député fédéral, et se rendre compte que il n'y a même pas assez de personnes pour faire une tribune libre. Donc, on peut juste faire une table ronde en s'assoyant. C'est ça. C'est un peu autour d'un verre d'eau. Et comme tu l'as dit, la plupart des gens, quand il y a des gens qui sont là, c'est des gens qui seraient de toute façon à la Chasse-Galerie, donc sont là pour étudier et qui ne connaissent pas du tout la personne puis qui ne sont pas intéressés à en entendre parler. Ouais, c'est ça. Des fois, ce n'est pas des gens qui sont là pour participer. Et Force 3R qui était là pour s'applaudir soi-même, c'est quand même assez drôle. il aurait tout dû faire ça. Ça aurait été plus fun. C'est comme quand tu vas voir un show avec des bandes. C'est les blondes et les chums des membres du band, ça te donne l'impression qu'il y a du monde. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. si on fait rapidement le tour, bon, Sylvie Tardif, t'en as parlé pas mal en bien. J'imagine que c'est celle que t'as parlé le plus en bien dans ta chronique. Je sais pas si c'est un addon ou si c'est... oui, c'est un addon. Oui et non. Oui, j'en parle en bien, c'est parce que je crois qu'elle s'est bien exprimée et qu'elle a su bien se vendre. Elle a moins de mauvais côté, évident. Ouais, peut-être que si j'avais poussé plus loin que le débat, donc en scrutant sa campagne électorale en entier, j'aurais pu voir des choses qui clochent un petit peu plus. Comme le fait qu'elle veut rendre gratuit l'accès à l'île Saint-Quentin. Moi, je trouve que c'est un peu risqué de rendre l'accès à un parc qui coûte quand même assez cher, parce qu'il y a des employés autant à la guérite pour faire payer les gens, faire payer le stationnement. Des employés quand même pour entretenir la plage, donc pour la nettoyer, pour vider les poubelles, pour tenir le casse-coute. Il y a quand même certaines personnes disent ben, il y a plein de parcs dans, pour le restant de Trois-Rivières, tous les autres parcs sont gratuits, ouais, mais les autres parcs de la ville sont entretenus par des cols bleus, c'est pour ça que c'est gratuit. Donc, je mettrais peut-être un bémol sur certaines choses sur sa plateforme, mais au débat, comme je vous dis, c'est, elle a très bien performé. Ouais. L'autre, c'est Marcel, son nom, qu'elle disait que c'était quoi son affaire, qu'il ne devrait pas y avoir de débat, genre, faudrait pas qu'on en parle, faudrait pas que les gens posent des questions parce qu'ils sont pas assez au courant. Oui, c'est ça. Et elle avait dit aussi en entrevue par la suite. Ouais, oui. C'était drôle. Que le fait que les étudiants arrivent non informés, c'est pas le but d'un débat. Ça l'avait comme éteinte, là, du fait que, elle avait dit que les étudiants étaient si peu intéressant la chose politique, là, ça l'a mis hors d'elle, elle n'était plus capable de débattre. Ouais. Sinon, l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre gars avec les pancartes un peu genre écrites Je veux pas être méchant avec le gars non plus en disant. Non, mais il n'a aucune chance d'être élu. Pierre-Benoît Fortin. Lui aussi, il parle de la gratuité de l'île Saint-Quentin. Donc, oui, j'ai eu. Mettons, après le débat, il restait me parler. Je suis comme resté à côté au bar à la Chasse-Galerie. Il est venu me parler. J'ai, par tous les moyens, essayé de me sauver de lui. Ça a été quand même assez difficile. L'homme aime parler, essayer de convaincre, mais quand il était rendu à me parler de « Ouais, je suis sur le comité du Parti libéral au fédéral, Parti libéral au provincial, puis sur le député, le comité municipal, puis j'essaie de... » Bref, c'est un homme de comité. Puis, c'est lui aussi là, qui n'arrêtait pas de parler de comité. Là. C'était la réponse à toutes les questions. Ah ouais. Oh, ben, on va créer un comité pour en jaser. On va créer un comité pour évaluer la situation. Ouais. On va se créer un groupe Facebook. Ça va régler les solutions du monde. Faut pas que ça serve. On peut laisser coller dans Zone Campus aux 2 semaines. Oui, prochain article, justement celui que je viens de vous lire, est en primeur. Il va paraître demain matin, donc à tous les 2 mardis, comme d'habitude. Exact, et on va te retrouver aussi sur zonecampus.ca. Il y a aussi le débat qui est en lien sur la page. En fait, à la fin de ton article, il y a un petit lien pour aller réécouter le débat. Il est aussi sur Facebook, sur la page de C'est fou, pour ceux qui veulent réentendre le débat entre les candidats à la mairie de Trois-Rivières 2013. Donc, n'oubliez pas, 3 novembre, on va voter! Wouhou! Cressel et autres gars. Et tout ce qu'on retrouve. Les grelots du sapin. Électrocution. Oui, les sapins d'hiver. Ben oui, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Merci, Laurent Constantin. À la semaine prochaine, enfin, on le retrouve, même s'il n'est pas dans Zone Campus, chaque semaine quand même. Oui. On écoute une chanson, après ça, on revient avec nos invités du Bac Vert. Mais là on écoute J'aime quand tu m'appelles, mon amour, de Sonny Duval. Sur C'est fou. Quand tu m'appelles, mon amour! De Sonny Duval. Assemblage requis. On a des invités spéciaux maintenant à recevoir en studio. Donc, permets-moi de te les présenter, Jean-Philippe. Ben oui, vas-y, Mathieu Plante. On a Sébastien Hainaut, qui est président du Bac Vert. Enchanté. Hello. Et on a le trésorier, toujours du Bac Vert, Johan Palus-Zézac. C'est ça, ouais. Palus-Zézac. Palus-Zézac, voilà, tu vois. Donc, bonjour, bienvenue à vous deux. On est content d'être là. Ouais. Super. Merci de nous avoir invités. Merci. Donc, vous êtes du Bac Vert et vous êtes là pour nous parler de la semaine de réduction des déchets. Ben, c'est appelé ça, dans le fond, la semaine québécoise était la semaine dernière. Donc, okay. Puisque tout le monde était parti en semaine de travaux, ben, nous avons décidé de faire ça cette semaine pour souligner cet événement à travers l'université. Ce qui n'est pas bête, hein, parce que la semaine passée, il n'y avait pas grand monde sur le campus. Ça ne serait pas passé grand-chose, mais je me demande justement pourquoi c'est dans la semaine de relâche qu'ils prévoient de faire cette semaine de réduction. Il me semble que c'est bizarre comme... Ben, c'est québécois et ça ne leur dérange pas vraiment là, la semaine de travaux et d'études. Ben, dire, chaque université a sa semaine, donc c'est ouais. Dur pour eux de choisir une semaine. Et, en fond, il y a tout le temps une université en congé dans le milieu de la session. Donc, okay. Bon, donc nous, c'est cette semaine, la semaine de réduction des déchets, la semaine du 28 octobre 2013. Donc, pourquoi est-ce qu'elle existe cette semaine-là? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa raison d'être à cette semaine de réduction des déchets? Ben, ça va nous servir à nous sensibiliser sur les enjeux actuels de réduction des déchets et tout ce qui s'ensuit pour la nouvelle génération. C'est elle qui va être amenée à... Enfin, la nouvelle génération. On n'est plus la nouvelle génération, mais on est bien avancé. C'est nous qui allons... Espérons-le, faire changer les choses dans le monde et là au Québec en l'occurrence, en sensibilisant les gens à consommer moins et en sachant comment réduire leurs déchets. C'est quelque chose d'important et c'est un premier pas vers l'éco-citoyenneté. Ouais. Et comment est-ce que vous allez justement les sensibiliser ces gens-là? Quelles activités est-ce que vous proposez pendant cette semaine-là? Donc, comme on disait précédemment, nous, notre local, il va être entre la bibliothèque et la cafétéria. On va être difficile à manquer, on va être vraiment très bien situé. Il y a un écran d'ordi, il y a même un petit bureau. Okay. Donc, ça, c'est facile à nous voir. Et ce soir, il y a encore de la place. On fait des bacs de vermicompost. Dans le fond, ça, c'est des espèces de petites bébelles quand tu instaures tous tes déchets qui sont, on peut dire, réutilisables et avec des verres que nous, on va fournir. Et là, ça permet de chez soi entretenir une espèce de compost homemade. Okay. Et tout le reste de la semaine, il va y avoir des activités plus spontanées. On va avoir des questions quiz. On va avoir des espèces de pancartes de sensibilisation. On va se promener, on va faire des sculptures à l'université. Donc, on va essayer de rester actif toute la semaine pour se faire voir à travers le campus. Et là, tu as parlé de votre local spécial. Donc, c'est un local temporaire qui est là seulement pour la semaine de réduction des déchets. Normalement, vous n'avez pas de local attitré pour le Bac Vert cette année, si je comprends bien. C'est ça, oui. On est des petits nouveaux. Non, les associations de troisième niveau, c'est un grand débat que je pense que le futur de l'UQTR est aussi en place pour ça. Ouais. Il y a un nombre limité de locaux et le concours a fait qu'ils n'en ont pas eu. Mais... Et voilà. Et puis, si jamais on veut vous rejoindre, puisqu'il n'y a pas de local physique, j'imagine, est-ce qu'il y a une page Facebook qui est créée? Oui, notre page Facebook, elle a été réentretenue, elle est repartie à nouveau. On va faire beaucoup de... Comme on le sait, la réalité de Facebook, c'est rapide puis ça permet de rejoindre tout le monde. Donc, Bac Vert 2C, B-A-C-C, Vert. Donc, on est présent, la planification de la semaine est là. Donc, on peut même voir la petite photo avec notre beau petit comité. Donc, dynamique et jeune, frère. Donc, on est de retour. Le bac vert a connu un certain ralentissement. Si vous avez, jamais entendu parler, l'année dernière, c'était plus tranquille. Là, on a un gros comité. On est environ une vingtaine de personnes. On est reparti, puis on est prêt à vous accueillir pour vous sensibiliser. Et vous êtes là le reste de l'année aussi. Donc, votre mission en tant que telle au bac vert, c'est, mettons, après la semaine de réduction des déchets, qu'est-ce que c'est votre mission en général? Donc, nous, on va essayer d'amener une nouvelle gamine qui est aussi, après l'université, on a une vie. Donc, on veut sensibiliser aussi sur le campus, voir ce qui est présent et ce qui devrait être fait, mais aussi chez soi, qu'est-ce qu'on peut apporter comme le vermicompost. Ça peut être un exemple que pas certains peuvent se permettre, mais on tient quand même à faire l'activité. Mais aussi, comme moi, je vous invite aussi à un événement Facebook pour mercredi. On va diffuser à la Chasse-Galerie un film sur c'est Wasteland. C'est ça, Johan. Mmh. Wasteland. Qui va être justement c'est ça, pour sensibiliser, qui va être un moment de se regrouper puis de parler d'écologie à la Chasse-Galerie. Je pense que ça peut être très agréable. En effet, c'est une très bonne idée, j'aime ça. Puis, entre parenthèses, même si les auditeurs ils ont des idées qu'ils voudraient nous soumettre ou on est ouvert à toute proposition. Mmh. On a une adresse courriel, bacvert@commercial.com. On est toujours ouvert, on est là pour les étudiants. C'est ça. Puis, c'est ça. Venez nous voir, on est fin. Non, c'est fun que ça existe. Je trouve ça malheureux pour votre local en passant. Donc, non, mais ça nous déstabilise. Ça nous arrête quand même dans l'action et dans le move. Donc, on rappelle la semaine de réduction des déchets qui a lieu cette semaine du 28 octobre. On rappelle encore une fois donc l'activité qui est à la Chasse-Galerie. Ça, c'est ce soir. On est lundi. Très et important. Et ne pas oublier, mercredi à la Chasse-Galerie, vous pouvez arriver par vous-même à la fin de votre cours ou juste venir faire un petit tour. C'est un excellent film. C'est à quelle heure? Johan, peux-tu me rappeler? J'en suis pas sûr à 100%. Je pense que ça doit être 16h ou dans ces eaux-là. 16 à 18h, je crois. Pas mal toutes nos activités. Un petit 4 à 6. En plein ça. Et aussi, on a des distributions de café équitable gratuit avant midi, c'est ça? Et même si vous passez, comme je vous disais, à notre local, si vous répondez bien à une petite question, vous vous donnez un petit peu de votre temps, on vous donne des produits écologiques gratuits. Ah, cool. Donc, c'est le temps de passer. Café, chocolat chaud, name it, on est présent, tous ces produits-là. Des produits locaux, en plus. Il y aura peut-être même un bac vermicompost à gagner. Oh, wow, mais comment ne pas vous aider? C'est sûr à 100%, mais on n'a pas de clients. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment... On est des petits poissons, morts à l'hameçon. Donc, Sébastien Hainaut, président du Bac Vert, et Johan Palucézac, trésorier. Là, j'étais plus proche. Ah, c'est ça, ouais. Plus proche de la prononciation. Maintenant, tu vas les plier lettre par lettre, sans regarder la feuille. Personne n'aurait su. je cachais si bien mon jeu. Oui. Merci à vous deux, et puis bonne année au Bac Vert. Ben, merci beaucoup. Et bonne semaine. Merci aussi. De bonne année, c'est fou. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine de déchets. De réduction des déchets. Je m'empêche de péter depuis le début d'entraînement. on fait pas de blagues de pète assez fou. Attention aux émissions de méthane. Oui. Émission, oui, du gros AV méthane. Oui. C'est bon, Mathieu. Merci. On écoute Said the Whale. Voici Mother sur C'est fou. Je retire mes propos. Trop tard. Oh. Gentlemen, I try to always be a better friend. Lately I've been feeling half a man. Like maybe I should be more who I am. Maybe I should fuck something up good. Or maybe I should act like someone mad. Try to live my life like David does, but something always feels just slightly off. I'm young and maybe that's why they see me. They seem like opportunities to test my reach. But ups and maybe I'll just keep thinking all about me until I get the proper opportunity that I need. Retour, Maxime Tanguay pense vraiment qu'on va étudier la semaine après les travaux et l'étude. Voyons, non, c'est n'importe quoi. Assemblage Ricky. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Assemblage Ricky est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours ensemble à jouer qui lui c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui c'est Mathieu Plante. Et on a du fun le matin. Mais hein. On a réussi à faire une blague qu'on comprenait l'un l'autre. Oui, parce que sinon aujourd'hui on est pas synchro. On jouerait pas à tombe crochu ensemble aujourd'hui. Non. Attends, banane molle ou banane à split? À split, clairement à split. Banane molle moi. Ah tu vois. À tombe crochu, on aurait perdu. Ouais. Notre gros lot. Mais j'aurais pu dire, OK, j'y vais avec la réponse de la famille. Ça, c'était à la guerre des clans. Oh, mais c'est pas grave, j'aime ça tout mêler. Mais qu'est-ce que tu considères comme une banane molle? J'ai de la misère avec ce terme-là. Une banane molle et chaude, là, au restaurant, tu penses comme dessert, une banane molle et chaude. C'est quoi, c'est gassac dans le micro-ondes? Pis... Ouais, ben, c'est chaud, c'est comme. Oui, vous allez avoir choix comme dessert, petit pudding tapioca, pudding chômeur ou banane molle? OK, mais c'est une banane enrobée de quelque chose. Enrobée de quelque chose, oui. Je pensais que c'était juste une banane tout court. Je vois ça plate en tabarouette. Je la voyais déjà encore tout emballée. Tu sais, faut que tu manges à cuillère. Il te l'épluche même pas. Non. Mais oui, arrange-toi. Mais oui. OK, un autre atome crochu. Là, ça va être Maxime Tanguay. OK, tu as le choix entre épluche patate ou épluche carotte. Ben, je vais y aller avec épluche carotte. Non, épluche patate, comment? Personne ne me comprend aujourd'hui. Moi aussi, j'aurais dit épluche carotte. Ben oui, c'est bien moins commun. Ouais, c'est ça. Mais Mathieu, c'est mainstream, Marc Dupré, quand même. T'es mon idole! Marie-Mère! Donc, OK, Maxime Tanguay, tu vas nous dire le nom de ta chronique. Toi qui arrives, évidemment, pour faire ta chronique, comme à chaque semaine. Et tu vas être... OK, t'as une suggestion. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, tu dois le faire à la façon de Marc Dupré qui vient de gagner la chanson de l'année. Ah. Allez, vas-y! J'ai-tu le droit d'être méchant? Non, on va être un public. OK. Yeah! C'est insupportable aujourd'hui, vraiment. Oh boy. Bon matin, Maxime Tanguay. Allô. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui. On est en forme. Hey, je vais commencer ma chronique. Je commencerai pas ma chronique. M'attendre un peu, mais je veux juste vous dire, j'ai vécu deux drames hier. OK. Le premier, c'est la 10, mais je pense que vous en avez déjà parlé. Le deuxième, j'imagine que vous en avez déjà parlé, vous en avez déjà fait mention, mais Monsieur Lou Reed est décédé hier. Oui, c'est oui, sa oui. matrice, là. C'est. Voilà. J'ai vu passer ça hier dans mon fil de nouvelles Facebook. Même c'est fou, il l'a dit. Oui, c'est fou, il l'a dit. Ouais. C'est fou, était là. C'est fou, était là. C'est fou, était là. Oui. Mais vraiment, voilà, mes sympathies à cette famille et à tout l'univers de la musique, parce que c'est oui, une grande musicale. Perte. Oui, musicale. C'est une très grande perte. Voilà. Oui. Donc, salut Lou. Bref, je vais aussi commencer avec une petite blague. Oh, ma attention. Parce qu'aujourd'hui, le groupe que je vous présente, c'est Chic Chic Chic. Fait que c'est 3 points d'exclamation. Shake and bake. À peu près, ouais. Okay. Et là, c'est super drôle parce que je me note, j'ai pas l'air ordonné dans la vie, mais je le suis quand même. Là. Je fais pas seulement oublier la veille à minuit que j'ai une chronique à 9h le lendemain. Je fais pas ça souvent, mais ça arrive. Mais bref, j'écris tous les noms de groupes potentiels que je veux présenter et je mets tout le temps un point d'exclamation au début de chaque. Au début et à la fin du nom du groupe, me dire je l'ai présenté. Fait que refais le pas, tu sais. Là, chic, c'est 3 points d'exclamation. Fait que je suis devant. T'es mêlé, là. Je suis confus, là. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Bref, moi, je pensais que t'allais chanter. Oh, chic, ta-da-ta-ta-da. Chic, ta-da-ta-ta-da. Sacramento. Parce qu'il vient de Sacramento. Oui. Hein? Mais non, je chanterai pas. Je suis pas un très bon chanteur, contrairement à Marc Dupré. Tu pensais que c'était gossant qu'on chante sur le nom chic, le nom de l'album, je pense, va nous faire encore plus chanter, non? Oui. En tout cas, oui. Ben oui, tout à fait. Mais, hey, juste, finalement, j'ai une bitcherie à dire de la disque que je pense que vous avez peut-être pas dit. Vas-y. Hey, je suis désolé, mais faut le faire vite. On n'a rien dit de la disque maintenant, pour vrai. Pour vrai, je start-moi pas. L'auteur-compositeur, j'ai été déchiré parce que l'auteur-compositeur de l'année, c'est Louis-Jean Cormier et Daniel Beaumont, ce que je suis tout à fait d'accord. C'est une très... Mais il y avait Kyle Kuna aussi dans cette catégorie-là qui a perdu, mais c'est pas grave. T'sais. Puis je veux dire, Louis-Jean Cormier, c'est un bon adversaire et tout, mais ils ont montré un plan, Kyle Kuna. C'est le seul perdant de toute la veillée, je pense, qu'ils ont montré un plan. Oui. Et le gars, il avait l'air franchement déçu. Ah oui, il avait la mine basse, c'était un peu comme, ben, tu sais, puis il applaudissait un peu jaune, tout. Ils ont montré un plan. Mais je fuck is that? Je l'ai vu ce petit bout-là. Je sais pas si c'est une erreur de déguillage. De jugement, tu veux dire? Oui, peut-être aussi. Non, c'est peut-être une erreur. T'sais, en même temps, c'est du live, ça va vite, puis du show commence. Je comprends ça, mais... Ça n'a pas duré très, très longtemps, mais vraiment, ça a cerné un moment là, assez... parce que moi, j'étais très déçu qu'il gagne pas. J'étais content pour Louis-Jean Cormier. Oui, mais c'est ça. Il en a gagné beaucoup. OK, c'est bon. Il méritait quand même celui-là. Oui, définitivement. Va. Mais j'étais déçu quand même pour Kate Kuna. J'étais un peu déchiré entre ces deux-là. Mais vraiment, là, je l'ai vu. Puis je pensais la même chose. J'aurais vécu sûrement la même chose. Je suis comme, oh non, je comprends ce que tu vis. Là. Oui. Ah. Voilà. Tu sais, puis, oh là là. Voilà. Non. Fait que c'était tout. Fait que chic, bref. groupe de Sacramento en Californie qui a 5 albums présentement, mais qui naquit, non pas à Noël il y a 2013 ans, mais en 96, 1996 étant une année fort incroyable pour la joueur était là, je comprends. Au milieu des années 90. Au milieu des... Merci à Dieu, tu as tombé crochu. Oui, c'est ça. Banane molle! Donc, c'est un groupe de dur à dire. C'est un groupe de dance punk, indie rock, post-punk, un peu psychédélique. Je dirais pas ambiant parce que c'est pas à cette limite-là, mais tu sais, ce genre de groupe-là avec des chansons un petit peu plus longues, souvent un peu sur le même beat, un petit peu répétitif. Ben, qui peuvent avoir l'air répétitif, mais c'est pas nécessairement ça. Mais c'est parfait pour étudier. Et voilà. C'est le but. Et voilà. Il y a beaucoup de paroles, par contre. Fait que c'est sûr que si tu veux vraiment étudier, faut que tu sois à l'aise à avoir de la musique qui a des paroles, mais tu peux surtout faire des travaux beaucoup avec ça. Parce que c'est une musique justement qui est rythmée puis qui va tout le temps... Fait avec des travaux de construction, là. Ponti-clouti-clouti-clouti. Vis-clouti-clouti-clouti. Le pire, c'est que je suis sûr que ça serait efficace. Oui. Je suis convaincu que ce serait efficace. Et donc, groupe qui a 5 albums, dont un qui a été lancé l'année dernière, qui se nomme Thriller. Ah! Oh. C'est pour ça que Mathieu disait qu'on va... Thriller! Et faut faire attention, si vous voulez l'orthographier, c'est T-H-R, .!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.! juste une petite parenthèse. Eux ont proposé plusieurs prononciations de leur nom. Il y en a vraiment un paquet. Il y a chic, chic, chic, mais ils proposent aussi par, par, par, bam, bam, bam, u, u, u, ka, ka, ka, bou, bou, bou, lel, lel, lel, fa, fa, fa, oup, oup, oup. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Mais bref, finalement, ce qui est reconnu par le groupe, un peu comme étant officiellement la prononciation, c'est chic, chic, chic, CHK, CHK, CHK. Mais bon, voilà, vous pouvez vous amuser en masse avec ça. Je crois que c'est le but. En fait, leur but, c'était vraiment de faire chier la planète au complet, ben, en ayant un nom de même. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Oui. C'est l'intro de la chronique de Maxime dans le Midi-Net Con. Le Midi-Net Con, oui. Oui. Ça me fait rire à chaque fois. Donc, 5 albums. Ils ont un album éponyme paru en 2001. Ils ont Loudon Up Now en 2004, que je connais malheureusement pas. Il y a Myth Takes, dont je viens de te lancer une chanson, qu'on irait entendre également tout à l'heure, qui est leur troisième album, qui est beaucoup l'album qui les a fait connaître, qui a fait un beau... Un tabac, on dit, qui a fait tabac. Qui a fait un abat, oui. Un abat. Qui a fait un abat? Non, un tabac. Un tabac? Oui, tabac. Un rabat. Tabou. Des rôles de rabat. En tout cas, bien du succès auprès des critiques. Myth Takes, non, avec la chanson que je vous présenterai, qui est Must Be the Moon, mais ce qui est un son un petit peu plus dur. Tu sais, l'album Trailer que vous allez entendre, probablement une chanson, si je fais des beaux yeux aux animateurs aussi, tantôt, qui a un groove beaucoup plus smooth, beaucoup plus pelvic. Pelvix. Ah oui. Pelvix, non, c'est pelvis, mais je me suis dit au milieu du mot, je me suis dit comment je finis ce mot-là. Il y a une professeure à l'université qui s'appelle Madame Pénix, hein, fait que c'est ça qui te mêle. Ouais. C'est ça? On a déjà parlé, ouais, Madame Pénix. On la salue. Oui. C'est la même réaction qu'on a eu tous. Oui. Je sais pas trop comment réagir à ça. Non, vraiment, je sais vraiment pas comment délire avec l'information. Ouais, et là, ceux qui nous écoutent fréquemment à mes émissions, on parlera assez fois sur le truc. Vous saurez qu'on a déjà parlé de Madame Pénix et on a aussi parlé de Madame Professeur Manègre, qui est aussi un autre nom malaisant. Oui. Donc, faisons le malaise, Madame Manègre. C'est fait. Ouf. D'accord. Fait que. Voilà. OK, c'est fait. Ça, c'est ouf. On a réussi. Donc, Trailer qui a un son beaucoup plus smooth, beaucoup plus, justement, tu bouges le bassin et c'est bien le fun. Puis, Myth Takes, c'est par contre qui a un son beaucoup plus dur, un peu cocaine, mais quand même bien ferme. Vous allez connaître quand même le petit côté entraînant. Ben agréable. Donc, moi, j'irais avec Must Be the Moon pour commencer. Must Be the Moon. D'ailleurs, si vous écoutez bien les paroles, ils vont blâmer tout sur la lune. Tout est blâmé sur la lune. C'est juste le temps pour une chronique. Ouais. Mmh. C'est le groupe Chic Chic Chic. Ouais. Must be the moonlight. Hey, c'est du gros party, hein? Ah oh, ouais, oui. Quand même. J'aime vraiment ça. Oui, pour vrai? Avez... Ah ouais, ouais, ouais, c'est vraiment bon. C'est très, très bon. C'est comme party mix. C'est comme du popcorn gratiné. Apparemment que c'est bien, bien bon. Hein? Oui, ça a l'air que c'est ça. Ce qu'on nous a dit en rond. Popcorn au fromage! Donc, c'était dash, dash, dash, slash, slash, slash, point exclamation, point exclamation, point exclamation. Voilà. Petit bar point, petit bar point, petit bar point. Petit bar point, petit bar... Ah, c'est bon, ça. Oui, ça fait un beat comme de super hip-hop, hein, pas hip-hop, ouais. Du beatbox. Ça so, ou un code morse. Code morse. Bar point, petit bar oui, point. Oui, c'est vrai. Hein, hein? Je connais mon morse. Bref. Voilà, donc c'était la chanson Must Be the Moon, l'album Myth Takes, qui était beaucoup l'album, le groundbreaking album, si je peux utiliser le terme. Qui a brisé des sols. Qui a brisé des sols, oui, mais en fait, c'est que la pochette est très dure. Okay. Fait que quand elle lance à terre, ça fait un cap. Ça fait des jeux de mots en tombant. Oui. Ça brise des sols. Ça brise. Ah oui! Ah oh, mon Dieu! Hé hey, là là là. Ça là, lance. Ouh, banane-moi! Ouais. T'es. Ouais, bravo. Non, mais tu m'en as passé une vite. Oui. Ah ouais, ouais, on dirait Marc Dupré, bouche bée en gagnant. Qui bouche bée, oui. Kid Kuna qui est bouche bée de ne pas avoir gagné. Oh. Je sais pas si ça donne que ce matin, cette année, c'est 89 FM. Mais on t'aime beaucoup, Keith. Lâche pas. Donc, Thriller, qui est le plus récent album qui est sorti le 29 avril 2013 exactement. Hein, parce que j'aime ça être précis. Oui. Et qui est excellent. Ma foi, pour vrai, c'est vraiment un album que j'ai surécouté. Là. Je connais à peu près toutes les tunes par cœur. C'est épouvantable. Et je peux un peu, tout dépendant de combien de temps il nous reste, on me fait signe qu'on est quand même à l'aise. Moi, j'irais peut-être avec la deuxième pièce qui se nomme Get the Rhythm Right, qui vous drainerait vraiment l'ambiance globale du disque en tant que tel. C'est vraiment cool comme album pour vrai. Là. J'écoute ça et je suis heureux. Oh. Il est vraiment, vraiment. Autant que Myth Takes, c'est le fun, mais tu sais, il y a un petit mardant de plus. Autant que lui, c'est vraiment juste cool. Ça, c'est sur l'album Thriller. C'est sur l'album Thriller qui n'est pas Michael Jackson. Non. Non, on parle bien de Shake, Shake, Shake. Shake your booty. Oh yeah. Assemblage Rocky. Once. Oh yeah, ça commence bien. Mm-hmm. Ooh. Yeah. Yeah. Alors, c'est ça, on voit que c'est un petit peu plus... C'est chill. Oui, vraiment. Ouais. Moi, ça me rend heureux. Oui, comme, ça coule comme, bien derrière nous. Ça coule très bien, comme sur le dos d'un canard. Et donc, c'est un album que je suggère. Si vous êtes capable d'étudier avec des paroles, parfait. Mais pour faire des travaux, c'est génial. Parce que justement, ça nous met tout le temps... C'est un beat qui est tout le temps constant. Oui. Il va tout le temps nous laisser dans un mood... ah, ben finalement, j'ai le goût de faire des fraudes aujourd'hui. C'est pas des paroles dérangeantes. Sont vraiment tellement graves et redondantes derrière que c'est pas dans ta face du tout. En plus, non, effectivement, Nick Offer, qui est le chanteur, n'a pas une voix qui va pousser énormément. Des fois, ça peut être plus déstabilisant quand tu vas chanter plus haut avec sa voix de tête, okay. Mais ça arrive pas souvent. Donc c'est effectivement, même la voix, des fois, peut bien se mélanger au décor. Je racontais la savoureuse histoire qu'il y a une chanson sur Thriller qui s'appelle Slid, qui disent « Ain't Afraid ». Mais ils disent à répétition, c'est une chanson quand même de bonne humeur, bien le fun. Et c'est tout le temps « Ain't Afraid ». Et nous, pendant un mois et demi de temps à mon ancien travail, on pensait qu'il disait Anne Frank, qui est une jeune demoiselle qui est morte en Deuxième Guerre mondiale, persécutée et tout, et tout, et tout. C'est vraiment pas drôle. Et là, on se disait, tabarouette que c'est bizarre comme choix de parole. Parce qu'on disait Anne Frank. C'est, voyons, pourquoi vous faites ça, les boys? Là? C'est pas le fun. Ça fait pas rire personne. Puis finalement, c'était Ain't Afraid. Donc Ain't Afraid. On est bien contents pour Laurent, mettons. Un petit stress de moins ses épaules. Oui, mais ben pour eux autres. Sinon, oui. On aurait tous brûlé en enfer d'avoir écouté ça. Oui. Par association. Tout ben oui. Par association. Ben officiellement. Oui. Parce que ça existe, l'enfer. Donc, c'était Maxime Tanguay. Oui. On a entendu donc la formation. Point exclamation, point exclamation, point exclamation. Et voilà. Shake, voilà. Shake, shake. Shake, shake, shake, ou shake, shake, shake, ou pa, pa, pa, ou bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Prononcez-le comme vous voulez, mais surtout, écoutez-le. Voilà. Ben, c'est bon. Et on te retrouve avec d'autres musiques pour étudier la semaine prochaine. Hell yeah. Dans J'étudie pour... J'étudie le temps pour une classe. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Ça, c'est rock. C'est badass. Vraiment, hein. Yo. Yo. Merci, Maxime Tanguay. Merci à vous autres. À la semaine prochaine. Yeah. Yeah. On a parlé en ronde avec Maxime de tête de chevaux. Oui. Sur des faces de gens. C'était la mode en ce moment. Vlog quelques années, c'était les pandas. Les têtes de panda qui étaient pas mal partout. Il y avait même la jupe qui servait de ça, entre autres, mais il y en avait plein d'autres. Et là, c'est des têtes de cheval. Et une qui fait ça, c'est Clopelgag sur sa photo promo. Donc, voici la fièvre des fleurs de Clopelgag sur ses fous. Comme ça, on revient puis on va se dire bye-bye. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs. regard. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes ton nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Clopelgag, Claudette Peloton gagnante. Voilà, c'est sûrement ça. Voilà pour Assemblage Hockey pour aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. La fièvre des fleurs de Clopelgag pour Claudia. Voilà. Demain, à l'émission, on a Charles-Antoine Rioux et 50 plein air du Club plein air UQTR. On a aussi Alger Durocher et son index et Alexandre Carignan avec le temps d'une culture. Oui, monsieur. C'est demain matin entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. On remercie Laurent Constantin pour Voyage au centre du campus. Bravo. On remercie Maxime Tanguay. Oui. Yahoo. Le Pac Vert. Ouais. Le et Pac-Vert. Frédéric de la Luitre. Oui, monsieur. On rappelle le match de ce soir. C'est à 19h30 à la Chasse Galerie. S'en suivra le spectacle des prophètes. Oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui, ça. Oui. Super! Quel prophète, Moïse? Ah, il vient là-bas si tu veux le découvrir ce soir. Ah, d'accord! Bonne fin de journée à tout le monde. Restez pour les Zénith-Con à 11h. Avant ça, ça va être... est-ce qu'il y a d'autres choses avant les Zénith-Con aujourd'hui? Non. Mais après, il y a les précieuses ridicules. Oui. Voilà. Puis après ça, ben, il y a Hors Zone à 16h. Les premières si fous, édition New Shit à 17h. Le VHC à 19h. Rock de Neuronavette! Ouais. C'est trop pour moi! C'est fou, prochain pour la programmation complète! Assemblagerequis.com! Pour la balade de diffusion et les notes de l'émission. La musique est finie. Point. Bye. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Enter!